11, 27, activation orale, pronom personnel, le, la, les. Remplacez les noms par des pronoms selon l'exemple. Vous entendez. 1. Est-ce que Mireille va rencontrer Robert? Et vous dites. Oui, elle va peut-être le rencontrer. Allons-y. 2. Est-ce que Robert va rencontrer Mireille? Oui, il va peut-être la rencontrer. 3. Est-ce que Robert va trouver Mireille sympathique? Oui, il va la trouver sympathique. 4. Est-ce que Mireille va trouver Robert sympathique? Oui, elle va le trouver sympathique. 5. Est-ce que Robert va rencontrer les sœurs de Mireille? Oui, il va peut-être les rencontrer. 6. Est-ce qu'il va rencontrer les parents de Mireille? Oui, il va peut-être les rencontrer. Est-ce qu'il va rencontrer Hubert? Oui, il va le rencontrer. 8. Est-ce qu'il va trouver Hubert sympathique? Oui, il va le trouver sympathique. 9. Est-ce qu'il va rencontrer Colette? Oui, il va la rencontrer. 10. Est-ce qu'il va rencontrer tante Georgette et Fido? Oui, il va les rencontrer. 11. Est-ce que les Bello vont inviter Robert? Oui, ils vont peut-être l'inviter. 12. Est-ce qu'ils vont trouver Robert sympathique? Oui, ils vont le trouver sympathique.